Bonjour Marie-Hélène, 15h30, Culture Société, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Plus illustre écrivain du 19e siècle, auteur à l'œuvre éclatante et multiple, romancier français le plus lu au monde, 70e personnalité à reposer au Panthéon et 6e écrivain après Voltaire, Rousseau, Hugo, Zola et Malraux, Alexandre Dumas. Pour autant, que viendrait faire le grand homme dans ce salon noir ? Les archéologues œuvrent sur l'ensemble du territoire et rien ne devrait leur échapper, pas même ce minuscule rocher, cet îlot au large de Marseille, au cœur d'une des œuvres dumasiennes, le Château d'If. Parce que des fouilles y sont entreprises, le Salon Noir y a pris pied. Edmond Dantès, je suis porteur d'un mandat d'arrêt délivré contre vous par M. de Villefort, procureur du roi. Au nom de la loi, Dantès, suivez-moi. Mes amis, continuez à vous amuser, je reviens tout de suite. Doucement. Cette lettre qui vous dénonce est anonyme. Bien sûr. Avez-vous une idée de l'accusation qu'elle porte contre vous ? Absolument aucune, monsieur le procureur. Et j'ai beau chercher, je ne vois pas le mal que j'aurais pu faire. D'ailleurs, je viens juste de rentrer en France, après un long voyage aux Indes orientales, sur le Pharaon, vaisseau de l'armement Morel. Sur lequel vous serviez comme officier en second. C'est bien cela ? Oui, monsieur. Dans quelles circonstances avez-vous été amené à prendre le commandement de ce navire ? Comme je l'ai dit dans mon dernier rapport de mer, le capitaine du Pharaon est mort des fièvres en passant Gibraltar. Et on ne m'accuse quand même pas de l'avoir assassiné. Non, Dantès, on vous dénonce pour avoir débarqué à l'île d'Elbe. Est-ce exact ? Ma foi, oui. Où est le mal ? Une fois à terre, un aide-de-camp de l'ex-empereur Napoléon ne vous a-t-il pas remis un pli ? Si. Pourquoi ? Ne saviez-vous pas que toute relation est interdite avec l'ancien tyran ? Sébastien Contableau, vous êtes chauffeur d'engin pour la société Christophe Beausire et vous travaillez pour l'archéologie depuis 3 ans. Depuis 3 ans et demi. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Comment vous percevez cette archéologie ? Moi, je fais surtout l'archéologie préventive, c'est-à-dire je fais pas mal de diagnostics, donc on intervient avant tout le monde. Parfois, il n'y a rien, donc on rebouche et le terrain est rendu. Parfois, il y a des choses assez fantastiques. Il y a un an, je tombais sur une immense villa gallo-romaine. Enfin, on l'a découvert 2500 mètres carrés environ, mais on voyait qu'ensuite elle partait sous les fruitiers. Mais bon, on ne pouvait pas y aller. Et il y avait des choses assez intéressantes, enfin, niveau archéologique, quoi. Il y avait donc pas mal de... Bon, des murs, hein, évidemment, des thermes, des sépultures, et plein de pièces, un peu de mosaïque aussi qui traînait, pas mal de choses. Vous avez dégagé plutôt une grande mosaïque polychrome, c'est bien ça ? Qu'est-ce qu'il y avait dessus ? Alors, ce qu'il y avait dessus, il y avait du figuratif, des motifs, une svastika, tout ça, et un soleil, des chouettes, enfin une chouette, un canard, un cerf, je crois, et un lion. Sébastien Contableau, qu'est-ce que vous préférez, puisque vous êtes dans votre machine, vous êtes là pour enlever la terre, pour découvrir les vestiges, qu'est-ce que vous préférez ? Ce travail fin où on décape finement ou carrément enlever de la terre ? Le mieux c'est de trouver quelque chose et d'y aller tout doucement, quoi, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose en dessous d'intéressant, il faut éviter de casser, passer à côté des choses. Non, c'est long, fastidieux, mais c'est pas mal, quoi. Vous faites de l'archéologie, en fait ? Ouais. Plus ou moins, ouais. Disons, je participe. Et il y a une relation entre l'archéologue et le responsable de la machine ? Oui, parce que c'est eux qui nous dirigent, parce que moi je vois pas ce qui se passe dessous ni derrière le godet. Donc c'est eux qui me disent de remonter, d'y aller finement ou d'aller plus profond, de casser un truc pour voir en dessous, souvent de faire des, quand on a des traces de fosses, de la prendre au milieu, d'aller plus profond pour avoir en coupe, pour avoir le matos qu'il y a dedans, jusqu'où elle va. C'est une fosse de plantation, c'est une fosse de à grains. Et alors le château d'If, ça se passe comment ? Ça se passe, ça dépend en fait. Il y a des endroits où j'ai à peine ouvert sur quelques centimètres, on est tombé sur des sols, on est truc intéressant. Il y a plein d'endroits où il s'est pas mal de remblé, donc on a creusé, on est tombé jusqu'à la roche, mais il y avait rien d'extraordinaire. Et puis bon, on tâtonne quoi, on trouve des trucs qui devraient pas s'y trouver. Alors qu'on cherchait autre chose. C'est-à-dire ? C'est-à-dire juste là, la fosse à chaud. En fait, on cherchait un mur qui devait être à côté. Le mur, on l'a pas vraiment trouvé, mais on a trouvé cette fosse à chaud, quoi, qui n'était pas répertoriée sur les plans que l'INRAP a. Et de temps en temps, vous arrêtez la machine, vous allez voir un peu les objets, un peu ce qui se passe ? Oui, ça m'arrive de descendre et de gratter les murs avec eux, ou de chercher des objets, ou d'en trouver carrément dans mon godet. Et donc d'arrêter la machine, de leur donner, pour leur dire, voilà, j'ai trouvé à tel niveau, tel objet, et voilà. Crois-tu que j'aie maître de comte de Monte Cristo ? C'est un homme terrible, impitoyable et froid. Mais ce n'est pas moi qui ai voulu devenir cet homme-là. Moi, il me suffisait d'être Edmond Dantès. Je n'attendais rien d'autre de la vie. Mais ils m'en ont empêché. Villefort, Morcerf, Danglars et même l'autre larve de Caderousse qui savait tout et qui n'a rien dit en essayant de tuer le jeune marin qui ne demandait rien à personne. Ils ont fait naître le vengeur qui vient leur demander des comptes. Bien tant pis pour eux. Nicolas Fauchère, pour un médiéviste que vous êtes, archéologue, que représente le château d'If ? Un moment essentiel dans l'histoire de l'État en France. Pour la première fois, l'État moderne est capable de gérer ses frontières et il commence par les grands ports du royaume, Le Havre, Toulon et Marseille. Donc c'est un moment extraordinaire qui est la pensée des limites de l'État qui se met en place face à une stratégie offensive de l'Espagne, des Espagnes qui entourent tous ces fronts terrestres. Et ici, le château se met en place après l'attaque du duc de Bourbon en 1524. Il se perfectionne après l'attaque de Charles Quint en 1536. Mais ce qui est fascinant, c'est que c'est à la fois un fort qui verrouille une frontière maritime, et ici, les îles du Frioul sont essentielles, puisque celui qui tient les îles tient Marseille, dans la mesure où le chenal de navigation principal passe automatiquement ou à bâbord ou à tribord de l'île. Donc elle est le verrou des accès maritimes de la ville. Et en même temps, l'importance du château d'If, c'est de faire peur à Marseille. Et c'est la contradiction de cette histoire, c'est qu'à la fois, c'est un fort qui verrouille une frontière, et à la fois, quand on voit le processus de fabrication, c'est-à-dire qu'on commence par faire une tour carrée en réservant la base des quatre tours à venir de part et d'autre de ce quadrangle, puis finalement, on fera la grosse tour Saint-Christophe, parce qu'elle verrouille le chenal de navigation, donc celle-là est essentielle, puis on fera les deux tours de façade face à Marseille. Et après, la quatrième tour, on ne la fera jamais, parce que ce qui compte, c'est de faire peur à Marseille. Et elle est à l'opposé de ce que voit Marseille. Marseille qu'il appelle la mauvaise voisine, et qui a une situation extrêmement ambiguë avec ce château, a fortiori, puisque pendant la guerre de religion, quand Marseille est ligueuse, le château est d'abord royal, puis ensuite florentin, et que donc on a tout un jeu de place d'armes entre l'île et la ville. Nous sommes donc en 1516, juste après Marignan. Qu'est-ce qu'il reste de cette époque ? Le château est commencé en 1524, après l'attaque du duc de Bourbon, qui va mourir l'année suivante au siège de Rome, donc qui est en révolte contre son prince, contre François Ier. François Ier qui avait débarqué ici en 1517, où on a cette fameuse histoire du rhinocéros envoyé par le roi de Portugal au pape, qui meurt en chemin ici, sur ce caillou qui à l'époque ne possédait pas encore le château. Donc effectivement, en 1524, l'acte de naissance, c'est construire un château, mais il semble que très vite, il va devenir prison d'État. Parce que c'est un symbole fort. On est bien sûr sur l'art du siège, ce que l'on appelle la polyurcétique. À regarder ce château, moi j'ai plus l'impression qu'on est sur un château médiéval alors que l'on serait déjà à la Renaissance. Alors, ce qui est absolument fascinant dans ce qui se passe à Marseille dans ces années entre 1524 et 1536, c'est que le roi François Ier va faire simultanément, ou peut-être en différé léger, deux forts. Un sur les îles, qui est le château d'If, qui est un fort à grosses tours d'artillerie, donc tours casematées avec des canons empilés dans les tours, sur un principe qui était celui du XVe siècle, et un tout en haut de la colline de la Garde, enveloppant la chapelle des marins essentielle à Marseille, qui est le fort Notre-Dame-de-la-Garde, qui, s'il est bâti dans cette décennie 1530, est un des tout premiers bastions d'Europe occidentale. Et le bastion de la Vigie, qui sert encore de soubassement à la discrète basilique d'Espérandieu du XIXe siècle, est un bastion précoce extraordinaire. Donc c'est fascinant de penser que l'État pense simultanément pour Marseille, quand on est contre des bateaux, un fort à grosse tour, et quand on est contre une artillerie terrestre, un fort à bastion. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de cette période? On sait que Vauban a repris le château, là, tout ça, il y a eu toute une série de constructions ultérieures. Il reste encore des vestiges donc du XVIe siècle? Le château d'If lui-même, le château, ce carré de base à trois tours greffé contre, est entièrement construit par les Indiens de François Ier, probablement avant 1531. Il reste donc dans l'île d'If. C'est tout, puisqu'on est en train de fouiller pour essayer de trouver les traces de la chapelle qui serait peut-être antérieure au fort, on ne sait pas. Et sinon, c'est tout ce qui reste. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on a dans l'enveloppe extérieure de ce rocher qui domine de 20 mètres la passe du Frioul, on a deux états de surélévation, voire trois parfois, qui correspondent à un premier état d'occupation de l'île avant 1597 par les Florentins. Henri de Navarre, enfin Henri IV, arrive à se débarrasser d'eux en mariant la fille du Médicis, Marie. Mais ensuite, on a une surélévation par son ingénieur militaire, Raymond de Bonnefond, qui est un garçon très extraordinaire, ingénieur protestant, qui va construire à Saint-Tropez, qui va construire le fort de Bouc à Martigues, et qui ici va entièrement surélever l'enveloppe de l'île dans les années 1600. Et ensuite, on a la transformation de Vauban, qui... Quand il vient en 1701, pique un phare et furieux parce qu'il s'aperçoit que le château est trop haut pour offrir des feux rasants qui sont les seuls tirs efficaces contre les navires, c'est-à-dire ce qu'on appelle les tirs à couler, c'est-à-dire quand on tire dans les membrures des coques, dans les lignes de flottaison. Et donc au fond, il n'y a aucun moyen ici, le rocher est trop élevé pour avoir des batteries basses qui tirent en rasant sur la mer. Et donc il dit le château ne sert à rien, c'est rien d'y dépenser des frics, sauf à aller installer une batterie à la pointe de Ratonneau, à la pointe de Croix juste en face, qui permet de combiner les feux hauts du château d'If, qui sont des tirs à dématé dans les voilures, les mâtures et les cordages, avec des feux rasants de l'autre côté de la passe, avec la batterie de croix de Ratonneau. Et le château d'If a tout de même tiré quelques coups de canon? Évidemment, hein, il y a eu plusieurs occasions de passage de barbaresque. Le problème étant qu'il est tellement haut placé sur la mer que des petites felouques, des petits bateaux qui sont matés à moins de 15 mètres, arrivent en rasant le rocher à échapper à ces feux. C'est ça la contradiction de ce château. C'est qu'il peut tirer au loin, mais il ne voit pas ce qui lui passe au pied, puisqu'il n'a pas de batterie basse. Donc à chaque fois, il y a ces énervements des gouverneurs, parce que les barbaresques arrivent à passer en douce, la nuit ou au petit jour, au pied du château, en rasant l'île. Dans le château même, est-ce qu'il n'y aurait pas une archéologie du bâti, cette archéologie un petit peu particulière à entreprendre? Alors, le château a été très dénaturé par sa transformation pénitentiaire, au point qu'aujourd'hui, le mythe l'a emporté sur la réalité. On vient au château d'If pour voir le trou de l'abbé Faria, fait par un gardien au début du XXe siècle, et le cachot de Monte Cristo. Et on ne vient pas pour voir ce que je vous disais, c'est-à-dire ce premier symbole de la construction de l'État en France, un geste majeur au point de vue de la stratégie du royaume. Donc, aujourd'hui, il y aurait évidemment beaucoup à faire pour connaître le château dans ses phases successives, surtout parce qu'effectivement, on n'a pas arrêté de remonter les canonnières pour ce problème de comment arriver à découvrir la mer au pied, puisqu'on voudrait empêcher le passage au ras du rocher des tout petits bateaux. Et donc effectivement, il y a toute une archéologie à faire dans les murs qui serait une archéologie des hauteurs successives de canonnières qui le percent. France Culture, le Salon Noir, Vincent Charpentier. Je veux mourir. Nadia, Abri, que viennent voir les 90 000 visiteurs qui mettent pied sur votre île? Alors c'est vrai que la plupart des visiteurs du château viennent pour le célèbre roman d'Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo. Ils viennent essentiellement pour voir la communication entre les deux cellules, le personnage réel, l'abbé Faria, et le personnage légendaire, Edmond Dantès. Est-ce que l'on peut faire une archéologie d'Edmond Dantès? C'est envisageable? Ou du moins les gens vivent Edmond Dantès? C'est difficile de faire la part de la réalité, de la fiction, personnage légendaire, personnage fictif. On n'est pas là pour briser les rêves de tout le monde. Ce serait tellement beau si un prisonnier avait pu s'évader comme ça. Malheureusement, Edmond Dantès n'a jamais existé. Alors là, nous sommes au cœur du château, ce n'est pas une cour, c'est quoi exactement? Donc là, vous êtes dans la petite cour intérieure où pouvaient séjourner quelques heures les prisonniers qui étaient enfermés dans la galerie voisine, les prisonniers politiques. Certains ont eu la possibilité de graver les murs. Ils ont évoqué un petit peu le motif de leur incarcération. Nous le voyons bien sur les encadrements. Nous retrouvons les noms de famille, les appartenances politiques, les dates. Voilà, c'est vraiment une cour intérieure avec une citerne au centre, une récupération d'eau de pluie des terrasses, eau qui était destinée à l'alimentation des prisonniers à leur hygiène quotidienne. Alors ce qui est curieux dans ces graffitis, c'est qu'ils ont été martelés? Oui, certains, puisque bon, le château d'If est ouvert au public depuis 1890. Là, vous avez les derniers prisonniers, les communards, 1871. Certains descendants ont demandé à ce que ces inscriptions soient martelées. Et voilà, certains sont complètement illisibles. Maintenant, il y a quelque temps, il y a eu un recensement. Nous en avons de très beaux que l'on voit, qui ont été répertoriés. Les conditions de vie étaient extrêmement dures. Certaines cellules étaient collectives. Oui, c'est le cas pour cette galerie, hein, notre librairie qui a été aménagée dans ce cachot collectif. Il y a eu là, en 1871, 304 communards enfermés. Par contre, au premier étage, vous avez des petites cellules individuelles qui portent le nom de pistole, le nom de la pièce de monnaie qui avait cours à l'époque. Donc ces prisonniers payaient pour être bien logés, bien nourris. C'est le cas de quelques personnages célèbres. Alors Edmond Dantès, il n'était pourtant pas dans une cellule collective? Edmond Dantès, le cachot dit d'Edmond Dantès, est bien dans une cellule collective. Mais Alexandre Dumas a attribué cette pièce, c'était très pratique pour la communication entre celle de l'abbé Faria, il l'a attribuée à Edmond Dantès, mais au départ c'était un cachot collectif. On peut le voir? Tout à fait. N'ayez pas peur. Aidez-moi. Qui êtes-vous? L'abbé Faria. Et vous? Je suis le numéro 34. Mais avant, je m'appelais Dantès. Edmond Dantès. Depuis combien de temps êtes-vous là? Je ne sais plus. Au début, je comptais les jours, mais... Je ne sais plus. Nous sommes le 11 février. Le 11 février. Oui. C'est février. Voilà pourquoi j'ai froid. Février. Mais de quelle année? 1833. 1833. Ça fait 18 ans que je suis ici. 18 ans. On m'a pris la lumière du soleil. On m'a volé mon amour. Ma jeunesse. Mon avenir. Donc c'est un tout petit espace. Alors pour un seul personnage, ce personnage d'Edmond Dantès, c'est quand même très spacieux. Mais nous le voyons bien sur les murs. Regardez ces trous, c'est l'emplacement des solives. Il y avait un étage. Donc, cachot collectif, au rez-de-chaussée, vraiment, on ne pouvait pas se tenir debout. Et au premier étage, une autre pièce un petit peu plus profonde. Alors, ces aménagements ont été faits pour l'ouverture au public. Mais il y a eu des dizaines de personnes enfermées dans cette cellule. Donc, il y avait quasi deux étages dans ce minuscule espace ? Dans cette pièce-là, oui, on le voit très bien. Voilà les vestiges de la charpente, du plancher qu'il y avait à l'origine. Et puis, chose extraordinaire, et c'est toute la matérialité d'Edmond Dantès, il y a un trou. Voilà, donc c'est vrai que, je vous le disais au début, les visiteurs viennent au château pour voir cette communication. Vous avez le petit cachot de l'abbé Faria en contrebas. Alors évidemment, cet abbé, dans le roman, tente de s'évader en se confectionnant un petit objet tranchant. Il a réellement existé, il est resté là quelques mois, il est ressorti normalement de prison. Cette communication a été faite pour les besoins du premier film. Et c'est vrai qu'on l'a laissé, puisque la plupart des visiteurs, des touristes viennent pour voir cette communication. Ce film, il date à peu près de quelle époque ? De 1844. Et il y a eu 25 adaptations, dont 5 françaises. La plus connue, la première, c'est celle avec Jean Marais dans le rôle d'Edmond Dantès. Est-ce que le château d'If, ce n'est pas une sorte d'Alcatraz français ? Sorte de prison à l'extérieur de la ville et qui regarde sur la ville et que la ville, bien sûr, peut voir. Oui, tout à fait. Et puis, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le château d'If a d'abord été construit pour être une forteresse militaire, pour protéger la ville de Marseille, pour surveiller aussi un petit peu les Marseillais, voir ce qu'il se passait sur l'archipel du Frioul. Et en quelque sorte, oui, c'est vrai que c'est un petit peu un Alcatraz français. Et jamais un prisonnier n'a pu s'évader du château d'If. Il n'y a pas qu'Edmond Dantès, il y a bien d'autres personnages célèbres qui ont séjourné. Oui, vous avez au premier étage Honoré Gabriel Riquetti, que vous connaissez bien plus sous le nom de Mirabeau. Mirabeau a été enfermé là sur demande de son père. Voilà, donc les prisons, c'était aussi pour les jeunes gens de bonne famille, pas très respectueux. Alors, il était bien nourri, il était bien logé, il est resté là quelques mois. C'est vrai qu'il avait une vie un petit peu tumultueuse et il passait ses journées à dépenser de l'argent dans les jeux. Il a eu beaucoup de dettes. Il collectionnait les aventures amoureuses, donc il a provoqué quelques scandales. Et c'est pour cette raison que son père a envoyé une lettre de cachet au roi pour le faire enfermer. Alors il y a aussi le fameux capitaine du Grand Saint-Antoine, un moment capital dans l'histoire de Marseille vers 1720. Oui, tout à fait. C'est vrai que le commandant Château, donc commandant du Grand Saint-Antoine, est connu vraiment pour le motif de son incarcération. Le Grand Saint-Antoine provenait du Liban, avec des quantités de marchandises à bord. Comme tous les navires de commerce, il devait faire sa quarantaine sur les îles voisines. Le bateau avait du retard, les marchandises étaient attendues, et le responsable du port, le premier échevin, a donné l'autorisation au commandant d'arriver directement au port de Marseille sans faire sa quarantaine. Et à bord du navire, il y avait aussi donc, le terrible bacille de la peste. La grande peste de 1720, elle a duré 2 ans, elle a fauché la moitié de la population marseillaise. À peu près 50 000 morts, et bien le double en Provence. Alors dès que l'on a découvert l'origine du fléau, le commandant a été enfermé au château, et il a été libéré 2 ans après, puisqu'il n'avait pas... il avait compté des décès à bord de son navire, il les avait tous déclarés, donc il n'a pas été jugé vraiment... fautif. Et par contre, de lourds soupçons ont pesé sur l'échevin qui était à moitié armateur du bateau. Vous avez à Marseille le quartier Saint-Antoine, en hommage à toutes ces victimes. Et sinon, les marchandises, le bateau ont été coulés à la pointe de l'île Jard. C'est une petite île qui est au large de Marseille, en allant sur Cassis. Et l'épave a été retrouvée en 1981 par des plongeurs. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que les archéologues ont fouillé ces fosses de pestiférés et donc ils ont trouvé quantité de corps. C'est vraiment un des éléments constitutifs, je dirais, de Marseille. Il y a bien sûr l'arrivée des Grecs, mais cette peste de 1720 est encore dans toutes les mémoires. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, nous avons de magnifiques tableaux au musée des Beaux-Arts à Marseille. Alors, nous avons une équipe d'archéologues sur place en ce moment qui effectue des fouilles pour rechercher. Il y avait une ancienne chapelle, peut-être même antérieure au château. Pour l'instant, ils sont là quelques semaines. On espère trouver un petit peu des vestiges. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu que des prisonniers, des militaires ou des archéologues sur le château d'If. Il y a eu une sorte de drôle d'animal. Oui, bien sûr. Le château d'If est là, quelque part, grâce à un animal appelé à l'époque la gonda. C'était un rhinocéros. C'était en janvier 1516, à l'époque, entre rois, entre gouverneurs, on s'offrait des animaux exotiques. Le rhinocéros partait du Portugal, c'était le roi du Portugal, Emmanuel le Magnifique, qui allait l'offrir au pape, Léon X. Le Portugal, l'Italie, ça fait une belle petite traversée. L'équipage a décidé de faire une halte sur ce rocher, l'île d'If. Les hommes se sont reposés, l'animal a brouté un petit peu l'herbe de l'époque. C'était une attraction pour les Marseillais, puisqu'on n'avait jamais vu un tel animal en Europe, c'était la première fois. François Ier, à ce moment-là, est reçu à Marseille, il revient de la bataille de Marignan. Et comme beaucoup de Marseillais, il vient sur cette petite île voir ce curieux rhinocéros. Et lorsqu'il s'est retrouvé là, face à la ville de Marseille, il s'est dit que c'est une position stratégique pour construire une forteresse pour protéger le premier grand port de France. Une forteresse côté mer. Et il a fait construire aussi une forteresse côté terre, le fort Notre-Dame, qui date de la même époque. Donc forteresse milieu du XVIe siècle. C'est de signaler sa mort juste en quittant notre service. Comme ça, la ronde de nuit devra le porter jusqu'au cimetière. Allez, on va déjà commencer à le mettre dans le sac parce que sinon les bêtes vont commencer à le grignoter. Je remercie Hervé Guy de l'INRAP de nous avoir guidés sur le château d'If, Catherine Dureuil de la ville de Marseille pour ses conseils. La semaine prochaine, le Salon Noir débutera l'année par l'archéologie de la guerre et de la violence de masse. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Kevin Lebar, attaché d'émission Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster l'émission sur le site franceculture.fr. Vous retrouvez plus de 200 archives sur le site inrap.fr. Mais dans quelques instants, les nouvelles vagues de Claire Maillot.